Les lapins. Il ne reste plus de melons pour toi, dit Madame Lepic. D'ailleurs, tu es comme moi, tu ne les aimes pas. Ça se trouve bien, dit Poil de Carotte. On lui impose ainsi des goûts et des dégoûts. En principe, il doit aimer seulement ce qu'aime sa mère. Quand arrive le fromage, je suis bien sûr, dit Madame Lepic, que Poil de Carotte n'en mangera pas. Et Poil de Carotte pense. Puisqu'elle en est sûre, ce n'est pas la peine d'essayer. En outre, il sait que ce serait dangereux. Mais n'a-t-il pas le temps de satisfaire ses plus bizarres caprices dans des endroits connus de lui seul? Au dessert, Madame Lepic lui dit « Va porter ces tranches de melon à ses lapins. » Poil de Carotte fait la commission au petit pas, en tenant l'assiette bien horizontale afin de ne rien renverser. À son entrée sous leur toit, les lapins, coiffés en tapageurs, les oreilles sur l'oreille, le nez en l'air, les pattes de devant raides comme s'ils allaient jouer du tambour, s'empressent autour de lui. « Oh, attendez !» dit Poil de Carotte. « Un moment, s'il vous plaît. Partageons !» S'étant assis d'abord sur un tas de crottes, de ses neusons rongés jusqu'à la racine, de trognons de choux, de feuilles de mauve, il leur donne les graines de melon et boit le jus lui-même. C'est doux comme du vin doux. Puis, il racle avec les dents ce que sa famille a laissé aux tranches de jaune sucré, tout ce qui peut fondre encore, et il passe le verre aux lapins en rond sur leur derrière. La porte du petit toit est fermée. Le soleil des siestes enfile les trous des tuiles et trempe le bout de ses rayons dans l'ombre fraîche.